إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, on continue notre dars sur Kassoul al-Sunnah de l'Imam Ahmad, l'Imam al-Sunnah, et on avait parlé la dernière fois, on avait parlé du premier point, qui était « At-tamassuk bima kana alayhi ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », puis du deuxième point « Wal-iqtida'u bihim », on avait parlé que ça c'était le premier point de Sur le Sunnah, et là on fait aujourd'hui le troisième point, si je ne me trompe pas, qui est Watarkul Bida. Donc, un des fondements de Ahlul Sunnah et Jama'a, Ahlul Hadith, les gens qui sont sur la voie des Salaf, c'est qu'ils laissent tomber les Bida. Ça, c'est un de leurs principes fondamentaux. C'est pour ça que l'imam Ahmad l'a mis comme troisième point dans les fondements de la Sunnah. Ou les fondements, yani, de la sunna, ou, yani. Donc, tarkul bid'a, ou tarkul bid'a. Il y a beaucoup de preuves de ça, dans le Coran et dans la sunna. Premièrement, bon, la bid'a, c'est une voie qui a été inventée dans la religion, qui n'a pas de référence authentique, légale, ni dans le Coran, ni dans la sunna, dans ses fondements, et dans sa description, et qui est faite pour, dans l'intention de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, pour imiter la sharia. Donc ça c'est la définition qui est donnée par l'imam Shatibi dans son livre, le livre qui s'appelle Al-I'tisam. Et comme j'avais déjà mentionné, son livre Al-I'tisam, c'est un des livres qui explique le mieux le sujet des bid'ah. Qui clarifie presque, c'est un des premiers livres qui a été écrit dans ce domaine. Ça s'appelle Al-I'tisam, et qui est unique en son genre. Al-I'tisam, Al-I'tisam. Et ça, c'est écrit par l'imam Al-Shatibi. Oui, Al-Shatibi. Al-Shatibi. Al-Shatibi. Donc, ça, c'est la meilleure définition. Le cheikh, il dit, c'est une meilleure définition. Et ce livre de l'imam Al-Shatibi, c'est un des premiers livres qui a été écrit. C'est pas un des premiers livres qui a été écrit sur le sujet de la bid'a, mais disons que c'est un livre unique en son genre, dans son style, dans sa façon d'expliquer le sujet. Il est vraiment entré dans la question jusqu'en profondeur, il a clarifié le sujet. Et c'est un livre à conseiller à tout musulman qui est capable de lire l'arabe et qui est intéressé à vraiment comprendre la réalité de la bid'a. Donc, ça c'est la bid'a. On va citer quelques exemples et quelques preuves de ça. En ce qui concerne la bid'a, de prouver que c'est interdit d'innover quoi que ce soit dans la religion de l'islam. Donc, le cheikh, il mentionne comme première référence, اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. C'est le premier verset dans Sourate Al-A'raf, le verset 3 dans Sourate Al-A'raf. Suivez ce qui a été révélé sur vous de votre Seigneur et ne suivez pas autre chose hein, qui vient en contradiction avec elle. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ إِنَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Dans un autre hadith, وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ Et ça c'est le hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les pires des affaires sont les choses innovées dans la religion. Et toute chose innovée dans la religion, et toute chose inventée dans la religion est une innovation, une bid'a. Et toute bid'a est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. D'accord? Oui, ça c'est dans Khutbat al-Haja. C'est dans l'introduction, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un discours ou un khutba, il commençait toujours par, en disant cette chose. Et donc ça nous montre aussi l'importance de, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné au fait d'avertir les gens contre toute forme d'innovation. Hein? Donc, si quelqu'un vous demande c'est quoi la preuve que la bid'a est interdite dans l'islam, on peut lui dire وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكتبين personnes ce hadith ça devrait être suffisant pour le convaincre qu'une بدعة est haram, qu'une بدعة est un égarement et que c'est interdit et c'est la pire des choses de faire une بدعة. D'accord? Et ça, c'est une réponse aussi à ceux qui prétendent que c'est pas toutes les bid'ahs qui sont mauvaises. Il y a un groupe parmi les gens, les bid'ahs, qui vont arriver, puis qui vont dire que il y a des bid'ahs qui sont bonnes, il y a des bid'ahs qui sont mauvaises. Et donc, si ces gens-là disent ça, et il y a une bid'ah hasana, une bid'ah sayya, elle a tout leur dire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'a pas fait cette distinction. Il n'a pas dit certaines bid'ahs sont hasana et certaines bid'ahs sont sayya. Mais il a dit kullu bid'atin dalal. Kull. C'est-à-dire toutes, sans exception. Il n'y a pas de limite dans le sujet. C'est toutes les bid'ahs qui sont dalal. Et ça, c'est même le quatrième point qui vient après le point, ce point-là. C'est après, on va voir, c'est kullu bid'atin dalal. Donc l'imam, c'est comme s'il a voulu insister. Il faut laisser les bid'ahs, et ensuite il a insisté encore une fois en disant wa kullu bid'atin dalala. C'est-à-dire, c'est pas juste comme certains pensent qu'il y a des bid'ahs qui sont acceptables et d'autres qui ne sont pas acceptables. C'est toutes les bid'ahs qui ne sont pas acceptables. D'accord? Et puis, une des raisons pour lesquelles ils ont essayé de dire qu'il y a plusieurs, ou qu'il y a des bid'ahs qui sont acceptables, eh bien, il y en a quelques-unes. Parmi les arguments, là. Et il se base sur plusieurs points. Donc, je vais vous mentionner les plus importantes. Bon, il y a ça, puis il y a d'autres aussi. On va commencer une par une, comme le chef les a mentionnés. Premièrement, il mentionne parfois un hadith. En fait, c'est pas un hadith. Il a été rapporté par certains comme étant un hadith. Sauf qu'il n'est pas authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit, c'est « Ma ra'ahu al-muslimuna hasanan, fa huwa inda Allahi hasan, wa ma ra'ahu al-muslimuna sayyi'an, fa huwa inda Allahi sayyi'. » Donc, ça veut dire, ce que les musulmans voient comme étant bon, alors pour Allah c'est bon. Et ce que les musulmans voient comme étant mauvais, alors pour Allah c'est mauvais. Cette parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas authentique. Mais elle a été rapportée aussi selon un sahabi. Comme étant une parole d'un sahabi. C'était Ibn Mas'ud. Donc, si c'est l'attard d'Ibn Mas'ud, ça a été rapporté selon lui, donc c'est pas une preuve, légale dans l'islam. Parce que dans l'islam, la parole autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une preuve dans la sharia. D'accord? Donc, pour affirmer quelque chose, faut que ce soit la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si, Mais si par exemple la parole de Ibn Mas'ud, on l'analyse comme il faut et on regarde qu'est-ce qu'il dit, eh bien ça voudrait dire en fait par al-muslimoun, c'est en particulier yani les sahaba. Ce que les sahaba voient, tous les sahaba voient comme étant une bonne chose, alors que c'est une chose qui est bonne, parce que ça c'est al-ijma', c'est-à-dire c'est le consensus des musulmans. Donc si tous les sahaba étaient d'accord sur une chose, ils ne peuvent pas être d'accord sur l'égarement. C'est comme un autre hadith qui est authentique du prophète Hassan qui dit, avec le salam de Allah, qui dit, « La tajtami'u ummati ala dalala » c'est-à-dire ma umma ne va pas s'unir sur l'égarement. Ne peut pas s'unir sur l'égarement. Donc, quand on parle de la umma ici, en particulier les sahaba, hein, et yani, les ulama des sahaba, eux, ils ne vont jamais s'unir sur une chose qui est dalala. Donc, s'ils sont tous d'accord sur une chose, oui, c'est vrai, cette chose, elle est bonne, sans aucun doute. Parce que, en tant, les sahaba, en tant que jama'a ou en tant que sahaba, s'ils sont tous unis sur quelque chose, c'est considéré comme une hujja, comme une preuve. Et le cheikh, il dit, donc, si tu le prends, si on le prend dans ce point de vue-là, oui, ça pourrait être vrai. Et, mais par contre, s'il y a une différence d'opinion entre les sahaba, comme on l'a dit, eh ben, ils ne sont, on peut pas prendre la parole d'un d'entre eux pour suivre qu'est-ce qu'il a dit sans avoir la référence du Coran et de la Sunna pour le supporter. Il faut que la parole du sahabi, s'il a été en désaccord avec un autre sahabi, il faut voir sa preuve. Il faut voir la raison pour laquelle il a été en désaccord, et puis là on retourne et on regarde lequel a été d'accord, lequel a été acceptable ou non. Et pour vous donner quelques exemples, le Coran a été rassemblé dans un livre. Ils disent que ça c'est une innovation, parce que ça n'existait pas autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Taraweeh, la prière durant le Ramadan, en gros, après le Isha, les gens qui font le Ramadan, ils disent que ça c'est une innovation. Et que Omar ibn al-Khattab a dit, ni'matul bid'a hadihi. Donc, quelle bonne bid'a, en disant, c'est ça, c'est les paroles de Omar, quelle belle bid'a. Ni'matul bid'a hadihi. Donc, ils utilisent ça comme preuve pour dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises bid'a. Troisièmement, par exemple, ils disent, bon, la rédaction de certains ouvrages dans différentes sciences islamiques. Ça n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'autres exemples de ce genre-là. Soit, mais ça, c'est leur exemple le plus courant. Okay? Le Taraweeh et l'assemblage du Coran et des choses de ce genre-là. Donc, comme on a déjà mentionné, amis, ils ont utilisé aussi comme référence la première exemple qu'on a donné, puis cette citation de Omar qui dit Ni'matul bid'a hadihi. Et ça, c'est souvent entendu yani, chez ces gens-là, ils répètent toujours cette citation-là. Ah, d'accord. Par la salle, on peut faire. Ok. Bien, d'accord, on va faire. Alhamdulillah. Donc, ils ont pris le hadith, donc ils ont essayé de limiter le hadith Kullu bid'atin dalala en se basant sur cette parole d'Ibn Omar. Sauf que la réalité, c'est que, comme on a déjà expliqué ça dans plusieurs cours, la prière du Taraweeh, elle a été faite même au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Pendant 3 nuits, il a prié avec les musulmans, hein, pendant 3 soirs. Trois soirs, il s'est réuni avec les musulmans dans la mosquée et il a établi la salat avec eux. Et le troisième soir, l'autre soir après, les musulmans se sont réunis dans la mosquée encore une fois et ils attendaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sorte de chez lui pour venir faire la prière. Mais il n'est pas sorti. Alors les gens attendaient, et là certains musulmans ont lancé des pierres sur la porte de sa maison pour lui faire savoir que les gens attendaient devant la porte. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il leur a dit qu'il ne continuait plus à prier comme ça tous les soirs avec eux en groupe, parce que s'il continuait, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala allait faire révéler une ayah pour rendre ça obligatoire. Il faut dire aux musulmans que cette chose-là devient obligatoire aux musulmans, et il dit vous ne seriez pas capable de continuer à le faire. D'accord? Donc, parmi les récoltes pour les musulmans, et dans le but que les choses ne soient pas trop lourdes pour eux, eh bien, il a cessé de faire cette chose-là. D'accord? Et les musulmans, quand même, continuaient à prier, mais séparément, individuellement, et en petits groupes, divisés dans la mosquée. Donc, au temps de Abu Bakr, dans son khilafa, c'était la même chose. Puis au temps de Omar ibn Khattab a remarqué que les gens avaient commencé à faire ça. Donc, il a dit, bon là, je vais les réunir derrière un seul imam dans la mosquée, comme au temps du prophète Mohammed. Donc, il a commencé à dire aux musulmans de faire ça. Et quand il a commencé à faire ça, les gens ont continué à le faire. Et il a dit, il s'est exclamé, Ni'matul bid'a hadihi. Et Ibn Taymiyyah, il dit, à ce sujet-là, il dit, أما قول عمر نعمة البدعة هذه فأكثر المحتاجين بهذا لو أردنا أن نثبت بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة فلا نعتمده إذا خالف الحديث فعلى التقديرين لا يصح معارضة الحديث بقول الصاحب نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة أما غيرها فلا ثم نقول أكثر ما في هذه تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها هذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية فذلك لأن البدع في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء على غير مثال سابق أما البدعة الشرعية فكل ما لا يدل عليه دليل شرعي فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إنجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ كما أن نص الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة ثم العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة لأن سمي بدعة في اللغة فاللفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به عمل مبتدع وإنما أراد به الأعمال التي لم يشرعها أو يشرعها هو صلى الله عليه وسلم مختصرا فسألين دي صليل اقتناء صراط المستقيم. Donc ça c'est la réponse d'Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il a dit, le cheikh, que la parole de Omar, Ni'matul bid'a hadihi, il dit la plupart des gens qui se basent sur ça pour essayer de prouver qu'il y a des bonnes bid'a, si on aurait voulu essayer de se baser sur quelque chose et d'utiliser la parole de Omar, on pourrait dire que premièrement, la parole d'un sahabi n'est pas une preuve. La parole d'un sahabi n'est pas une preuve en elle-même, donc elle ne peut pas limiter la compréhension d'un hadith. Et deuxièmement, si certains ont dit par exemple que certains hadiths peuvent être limités par la parole d'un sahabi, ils disent que ça c'est limité uniquement pour un hadith en particulier, mais pas pour d'autres, ou pas pour plus que ce hadith-là. Pas pour d'autres hadiths en dehors de celui-là, donc on ne pourrait pas prouver qu'une bid'a serait bonne excepté pour ce sujet-là, pour ce domaine-là, c'est-à-dire pour le tarawih seulement. Parce qu'il n'y aurait pas d'autres preuves pour d'autres domaines, pour d'autres sortes de bid'ah. D'accord? Mais, comme on a dit, la parole d'un sahabi n'est pas une preuve, donc ça ne peut pas être utilisé pour montrer que cette bid'ah est bonne. Deuxièmement, il a dit, puis ensuite nous disons que le plus qu'on peut prendre de cette appellation de Omar au sujet de cette action comme étant, lorsqu'il l'a décrit comme étant une bid'ah et de dire qu'elle était bonne, c'est une description ou une appellation linguistique qu'il a donnée et non une appellation légale. Donc quand il a parlé de cette action en la décrivant comme étant une bid'ah, c'est au sens linguistique seulement. Parce que, comme le cheikh il explique, que la bid'a au sens linguistique, elle implique toute action qui a été faite nouvellement, qui n'avait aucun exemple semblable dans le passé. Un acte qui a été fait, qui n'a jamais été fait auparavant de cette façon. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est une bid'a au sens de linguistique. En ce qui concerne au sens de la sharia, c'est que la bid'a c'est toute chose qui a été faite et au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve dans la sharia. Et donc le cheikh il dit, donc s'il y a un texte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui prouve que cette action est recommandée, aimée par Allah, ou obligatoire après sa mort, ou qui le prouve d'une façon générale, et qu'elle n'a pas été fait cette action, excepté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple le fait d'avoir écrit les sadaqas que Abu Bakr avait fait sortir, il avait fait sortir les aumônes, et ça n'avait pas été fait excepté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le fait de l'avoir fait après sa mort, c'est permis linguistiquement de l'appeler comme étant une bid'a, parce que c'est une action qui est nouvelle. Mais, étant donné qu'il y a une référence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas donc l'appeler une bid'a, puisque c'est une chose qui a été prouvée dans le Coran et dans la Sunna. Donc, par exemple, à Tarawih, il y a une référence dans le hadith authentique qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait, et que c'est une chose qui est aimée par Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une référence, il ne faut pas l'appeler bid'a. D'accord? Mais, Omar, il l'a désigné comme étant bid'a dans cette citation qu'il a faite, dans cette parole, mais c'est uniquement au sens linguistique. D'accord? Et en général, les ulama, lorsqu'ils parlent de bid'a, et même Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont interdit la bid'a, eh bien, ils l'ont interdit au sens légal, et c'est ce sens-là qu'on doit utiliser. Donc, et on ne peut pas utiliser la parole d'Omar comme étant une référence, puisque ce n'est pas une chose qui est en accord avec le Coran et la Sunna, et donc on doit uniquement se limiter à la compréhension du hadith selon le reste des hadiths. Un autre exemple aussi qu'ils utilisent comme preuve, c'est le hadith qui dit « Man sanna fil islam sunnatan hasana » Donc, je ne sais pas s'il est mentionné là. C'est ça. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا أو شيء. Donc ça veut dire, celui qui a fait dans l'islam une bonne action, parce que sunnah ça veut dire une action ou une voie. Donc, même si on a fait l'islam, celui qui a fait dans l'islam une bonne œuvre, une bonne action, alors il a la récompense de cette action, et la récompense de celui qui qui le fait après lui. Donc si quelqu'un a fait une bonne action et qu'une autre personne le voit le faire et il le suit dans cette bonne action-là, donc la personne qui l'a fait en premier, elle récolte sa récompense et la récompense de celui qui le suit, sans que ça diminue rien de ses propres récompenses. Et la personne, en même temps aussi, qui fait une sumna sayya, c'est-à-dire une mauvaise action, alors il aura son poids et le poids de celui qui l'a fait après lui, sans que ça diminue quoi que ce soit de sa charge à lui. Donc il a le poids de son péché et le poids du péché de celui qui le suit dans cette mauvaise action. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, ça continue jusqu'à l'infini, jusqu'à que la dernière personne qui va vivre va avoir continué à suivre son exemple. Donc, il faut faire attention toujours lorsqu'on fait une mauvaise action. Et donc, dans ce hadith, eux, ils utilisent ce hadith pour dire, bon, s'il y a des sunnah hasana et des sunnah sayya, donc il y a une bid'a hasana et une bid'a sayya. D'accord? C'est ça leur logique. Mais, si on regarde le contexte de ce hadith dans lequel il est révélé, premièrement, il a été rapporté par un imam muslim, donc c'est un hadith authentique, mais il est rapporté dans Kitab al-Zakat. Il est rapporté dans Kitab al-Zakat. Et dans ce hadith, le texte, il y a un contexte qui est cité auparavant. C'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des gens qui sont arrivés et qui étaient très très très pauvres. Et lorsqu'il a vu la pauvreté de ces gens-là, son visage a changé, tellement il a été affecté par la pauvreté de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les musulmans dans la mosquée, et là, il les a incités à faire des aumônes et à donner en charité. Et là, quand il a commencé à parler, il voit que personne bougeait. Il n'y avait personne qui donnait quoi que ce soit pour en sadaqa. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à inciter les gens à donner. Et là, de tous les gens qui étaient assis, il y a une seule personne qui s'est levée et qui a pris un sac d'argent qu'il possédait, un sac de pièces d'or ou quelque chose comme ça, et qu'il l'a jeté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voulant dire devant le minbar, il l'a jeté devant le minbar et il a donné cet argent-là, qui s'habillait là. Alors, lorsque les gens l'ont vu se lever et faire ce geste, tous les gens ont commencé par la suite à le suivre. Et un par un, tous les gens se levaient et ils venaient et ils donnaient de leur argent. Alors là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à sourire. Et il a dit ce hadith, celui dans l'islam qui fait une bonne action, il aura la récompense de l'avoir fait et de tous ceux qui l'ont suivi. Et celui dans l'islam qui fait une mauvaise action, il aura la récompense, la punition de ce péché qu'il a fait et la punition de tous ceux qui l'ont suivi après lui. Donc ça veut dire, et sans que ça diminue, quoi que ce soit de leur propre péché, et sans que ça diminue quoi que ce soit de leur propre péché, et sans que ça diminue quoi que ce soit de leurs bonnes actions pour ceux qui ont fait le bien. Donc c'est un hadith qui ne prouve pas du tout le fait de faire une innovation, parce que l'acte du sahabi, qu'est-ce qu'il a fait? C'était une sunna, c'était un acte qui fait partie de la charia, c'est-à-dire de donner une sadaqa. Donc il n'y a pas de preuve ici pour dire que le sahabi a fait une bid'a et que c'était acceptable. D'accord? Donc ça répond aussi à la personne qui prétend que ce hadith-là serait une preuve pour limiter la compréhension du hadith « Kullu bid'atin dalala » et « Kullu dalalatin finnar ». Mais non, au contraire, il a glorifié. Donc c'est pas une bid'a du tout. Hein? Donc il y a aussi comme exemple qu'il donne aussi, le fait par exemple que les musulmans avaient rassemblé le Coran. Abu Bakr a fait écrire le Coran et l'a fait rassembler dans un seul livre. Et il dit ça c'est une bid'a parce que ça n'existe pas autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, sauf que comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, تنزيل الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه. Donc il y a des preuves même dans le Coran que c'est un livre, d'accord? Donc Il y a des preuves qui prouvent ça. Deuxièmement, tous les sahaba ont été d'accord pour faire cette chose, donc c'est une ijma'. Et on sait que, comme on a dit tout à l'heure, la tajtami'u ummati ala dalala. C'est-à-dire, la umma, les sahaba ne vont pas finir sur un égarement. Donc, s'ils étaient tous d'accord, ils l'ont tous fait, donc c'était quelque chose qui était accepté. Et alhamdoulilah, quand ils sont tous d'accord sur une chose, ils ne peuvent pas finir sur un égarement. De plus, c'est un moyen. C'est un moyen de préserver le Coran. Donc, c'est une question ici de halal ou haram ou mustahab, mais ça n'a pas rapport avec une innovation. On n'a pas amené quelque chose qui est interdit dans ou qui est une adoration. Donc, par exemple, si aujourd'hui on a d'autres moyens même de préserver le Coran, autre que le fait de l'écrire dans un livre, aussi le fait d'enregistrer le Coran sur un CD-ROM, ça aussi c'est pas une bid'a. Et une fois j'ai eu une discussion avec un soufi là, il me disait, mais les musulmans, Abu Bakr Siddiq a réuni le Coran dans un seul livre, donc ça c'est une bid'a. Et moi je lui ai dit d'accord, alors ça veut dire enregistrer le Coran sur une cassette et, ou sur un CD-ROM, est-ce que ça c'est une bid'a aussi? Alors que c'est un moyen légal, qui est halal, donc c'est pas une innovation, c'est pas une forme d'adoration. Donc eux des fois c'est une autre de leurs erreurs, ils font qu'ils ne comprennent pas la distinction entre qu'est-ce qui est sunna et qu'est-ce qui est bid'a, c'est qu'ils pensent qu'ils mélangent premièrement entre la distinction de la bid'a dans la langue et la bid'a au sens de la sharia, comme on a vu tout à l'heure, et aussi une autre erreur qu'ils font, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre quelque chose qui est dans l'adoration, dans le manhaj, et quelque chose qui est dans les actes de la dunya, les choses qu'on fait de tous les jours. D'accord? Tout ça, c'est des moyens que tu utilises dans les choses de dunya, qui sont halal. Le fait de rassembler les choses dans des livres, le Coran, dans écrit sur du papier, le mettre sur un seul couvercle, c'est un moyen pour le préserver. De l'enregistrer sur un CD-ROM, c'est un moyen pour le préserver. Et pour le garder, donc c'est pas une bid'a dans l'adoration, c'est pas une nouvelle chose dans la religion de l'islam. Oui, c'est ça. Oui, parce que beaucoup de ceux qui avaient mémorisé le Coran, ils allaient combattre les moussadines, les apostats et les gens qui suivaient le faux prophète Moussaïlama Al-Kazdab, et beaucoup d'entre les gens qui avaient mémorisé le Coran mouraient dans ces djihad là. Donc le prophète Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, il a fait ordonner que le Coran soit écrit dans un livre, et ça a été approuvé par tous les sahabes de l'époque. Donc il y a ça, puis il y a aussi donc, il y a aussi le fait que, par exemple, il y en a qui mélangent aussi entre qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est bid'a. Donc, par exemple, il y en a qui mélangent le fait que, entre qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est bid'a. C'est-à-dire, on sait, nous, qu'il y a une différence entre un péché et une bid'a. Il y a des musulmans qui comprennent peut-être pas la différence et qui pensent qu'une personne qui fait un péché, c'est équivalent à une personne qui fait une bid'a ou vice versa. Sauf que juste pour vous donner un exemple, ok, pour vous donner un exemple, Yann, comment ça, j'en avais parlé dans le discours que j'avais fait à Sunna là durant le Ramadan, j'avais clarifié cet exemple-là. C'est que, par exemple, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un sahabi qui buvait tout le temps de l'alcool et qui était toujours en train de se saouler. Et celui-là, les gens l'appelaient Himar. Son surnom c'était Himar, c'est-à-dire un âne. Les gens l'appelaient âne ou mule. Hein? Donc, les gens se sont rassemblés et ils ont dit: Subhanallah, yani, comment cette personne-là, elle revient à chaque fois? Parce que cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne faisait souvent rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque fois, il venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui amenait des cadeaux. Il lui amenait du miel, il lui amenait des choses comme ça. Donc, il aimait beaucoup le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens l'appelaient souvent. Mais, étant donné qu'il se saoulait tout le temps, chaque fois il venait et les musulmans appliquaient sur lui la punition pour les gens qui se saoulent, c'est-à-dire les coups de poing. D'accord? Donc, une fois, on l'a amené au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il le fouette, pour qu'il applique la punition. Alors, parmi les gens qui étaient là, il y a un homme qui a dit, la'anahullah, c'est-à-dire que Dieu le maudisse. Ma akthar ma yu'ta bihi ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable combien de fois on l'amène pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le punir. Comme si, en voulant dire que Dieu le maudisse, parce qu'il vient trop souvent pour la même chose, à chaque fois parce qu'il se saoule. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tal'anhu, fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Il ne le maudit pas, car il aime Allah et son messager. D'accord? Donc, vous voyez l'attitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue vis-à-vis ce musulman-là qui était un pécheur. D'accord? Le péché, c'est une chose haram, on déteste le péché et celui qui le fait. Mais, quand même, il reste que c'est un musulman et on ne doit pas le maudire ou des choses de ce genre. D'accord? Et en plus, celui-là, la preuve qu'il aimait Allah et son messager, c'est qu'il revenait constamment voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui amenait des cadeaux et des choses de ce genre pour montrer qu'il l'aimait. Et donc, il savait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette personne-là l'aimait réellement et qu'il aimait Allah. Mais, par contre, il y a un autre exemple. C'est l'exemple de la personne qui fait une bid'a. Et ça, c'est l'exemple de l'homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de distribuer le butin. Et là, ils avaient fait la conquête de la Mecque, ils étaient tous entrés à la Mecque, et ils avaient fait le contrôle, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à diviser le butin. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que parmi les gens, il y a un qui est arrivé, et ils l'ont décrit comme étant un homme qui avait un front très avancé, un front proéminent là, ouais, un front qui est avancé comme proéminent, et puis qui avait une large barbe, كف اللحية, une barbe bien fournie là, d'accord, محلوق الرأس, il avait la tête rasée, et entre ses deux yeux il avait, sur son front entre ses yeux il avait une marque très apparente de prosternation. Donc, c'est l'apparence de quoi? Une personne très religieuse. Hein? Et il est arrivé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a commencé à critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon dont il a distribué le butin. Il a dit, Ya Muhammad, i'adil, oh Muhammad, sois juste. Alors, parmi les sahabes qui étaient là présents, il y en a qui ont dit, Ya Rasulallah, laisse-moi lui couper la tête, c'est un hypocrite. Naam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne veux pas que les gens disent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tue ses sahaba. Et il y en a, et peut-être qu'il est parmi ceux qui prient. Donc, il ne faut pas faire ça. Parce que c'est quelque chose qui nuirait à l'islam. Mais, il a dit par la suite que de cet homme, il va sortir un type de personne. Et si vous comparez votre prière à leur prière, et votre jeûne à leur jeûne, et votre récitation du Coran à leur récitation du Coran, vous allez maîtriser votre prière, et votre jeûne, et votre récitation du Coran par rapport à la leur. Parce que eux, ils sont beaucoup plus forts que vous là-dedans. Ils en font beaucoup plus que vous. Hein? Et ils lisent beaucoup plus. Donc, c'est pour dire, imaginez, ces gens-là vont être plus pieux, ils vont essayer de faire plus de bonnes actions que les Sahaba. Donc, c'est des gens extrémistes. Ils essaient d'en faire plus que les Sahaba. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des gens qui vont sortir de l'exemple de ce gars-là, il y en a d'autres qui vont sortir, qui vont faire une adoration extrême, très très très fort dans l'adoration. Bien, après il a dit, يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Ils vont lire le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. Ça va pas plus bas que leur gorge. Ça atteint jamais leur cœur. C'est-à-dire, ils récitent sans aucune compréhension de l'islam. Sans aucune connaissance. Hein? ويمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. Ils quittent la religion de l'islam comme une flèche lorsqu'elle quitte son arc. Et il y en a qui, il y a une autre hadith qui dit, quand elle passe à travers l'animal ou la bête, elle entre et elle ressort et il n'y a aucune trace de rien là, de sang ou quoi que ce soit. C'est-à-dire tellement qu'elle passe vite à travers l'islam, elle ne laisse aucune trace. Comme s'il n'avait jamais connu l'islam. Là, il a drapé tout. لأقتلنهم قتل عاد. Si moi j'arrivais à rencontrer ces gens-là, je les combattrais, je les tuerais comme on a tué le peuple de Aad. Hein? Donc, ça c'est dans un hadith. Et dans un autre hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, خير قتيل تحت أديم السماء. Ce sont les meilleures personnes tuées sous le ciel. Et dans un autre hadith, il a dit, le meilleur, c'est celui qui le tue et celui qui se fait, ou celui qui se fait tuer par feu. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit comme étant, hum kilab ou ahl al-nar. Il nous a décrit comme étant, les chiens du feu de l'enfer. Les chiens des gens du feu de l'enfer. Donc, ces gens-là, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit. Malgré que, si tu regardes leur apparence extérieure, ils ont tous les signes de gens qui sont très très pieux et très forts dans l'islam. Malgré que les autres, là, c'est des pécheurs, regardez, un celui-là qui se prétend plus juste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, eux, ils viennent avec quoi? La question de justice sociale, d'égalité, de choses de ce genre. Hein, et ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compris comment être juste envers les gens en divisant le butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien comment distribuer le butin. Donc, non, exactement aujourd'hui, les gens de Ikhwan, les gens de Takfir, les gens de Jihad, la seule chose qu'ils disent quand ils critiquent quelque chose, il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de ci, de ça. Mais pour discuter des autres, les fondements de l'islam et de la base de l'islam, ils le laissent complètement de côté. Et donc c'est pour ça que, comme, quand par exemple ils vont critiquer l'Arabie Saoudite, parce qu'elle applique la charia, ils vont dire, ah mais, eux ils appliquent juste la charia pour les pauvres, et ils laissent les riches. Quoi? Ou bien ils vont dire, il n'y a pas de, toutes sortes d'autres raisons. Et ils ne prennent aucune considération sur la question de l'aqida, la question des fondements de la base de l'islam et tout ça. Donc, il y a des choses parfois qui sont claires, juste à regarder les caractéristiques de ces gens-là. Et ça, ce sont les khawarij. Donc, cette secte-là, les khawarij, sont reconnus pour deux choses, c'est qu'ils prennent les armes contre les musulmans, ils tuent les musulmans, et aussi, ils prennent les armes contre les dirigeants. Ça, c'est les deux caractéristiques qu'ils ont. Donc, c'est ça que le chef a expliqué à ce sujet-là. Donc, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a une distinction entre la bid'a et le péché. Et un des salafs qui disait que Iblis, il préfère la bid'a que le péché. Il préfère que les gens tombent dans le péché plutôt que la bid'a. Il préfère que les gens tombent dans la bid'a plutôt que de tomber dans le péché. Parce que le péché, tu peux te repentir lorsque tu fais un péché. Mais la bid'a, tu t'en repens pas. Pourquoi? Parce que tu penses que tu te rapproches d'Allah en le faisant. Tu penses que quand tu le fais, Dieu aime ça. Donc comment tu vas te repentir de quelque chose que tu penses qui est plaisant à Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça me rappelle aussi de l'exemple que j'avais mentionné au sujet de de Ibn Taymiyyah lorsqu'il a débattu avec les Soufis. Et les Soufis lui ont dit comme exemple, nous, on fait que les gens se repentissent à Allah et on les amène à la repentance dans l'islam. Hein? Donc ça, c'est une chose de bien qu'on fait. Alors, Ibn Taymiyyah lui a dit, mais de quelle chose vous les faites se repentir? De quel péché vous les faites se repentir? Ils ont dit, mais c'était des gens, par exemple, qui étaient des hors-la-loi, des gens qui attaquaient les caravanes des voyageurs sur le chemin, ils coupaient la route aux caravanes, et ils se sont repentis maintenant de ce péché-là, puis ils sont avec nous, avec notre tariqa, ils nous suivent. Alors, Ibn Taymiyyah a dit, subhanallah, ils étaient mieux au temps où ils faisaient leurs crimes avec leurs péchés que leur état actuellement avec nous. Parce qu'avant, ils faisaient un péché et ils savaient que ce qu'ils faisaient c'était haram. Hein, et ils pouvaient se repentir à Allah et tout. Mais actuellement, vous les avez fait, c'est ça, et maintenant vous les avez amenés vers le fait d'aimer ce que Allah déteste et de détester ce qu'Allah aime et d'ordonner le shirk et les bid'a et tout ce que là. Donc c'était beaucoup mieux leur état auparavant que leur état actuel. Et un des salafs il disait à son fils, Ya Bunaya, parce qu'il avait vu son fils qui sortait de la maison d'un des gens de Bila. Il a dit, oh mon fils, je préfère que tu sois, que tu tiennes avec les gens qui font du zina et qui boivent de l'alcool, et les gens qui font des péchés, que de te voir traîner avec les gens de Bida. Il dit, parce que ces gens-là, les gens de Bida, ils vont te faire entrer dans ces Bida, et après ça, c'est fini, tu quittes ta religion par la suite. Ils vont te faire petit à petit arriver à un point où tu vas renier quelque chose qui vient d'Allah, ou accepter quelque chose qui ne vient pas d'Allah. Tandis que les gens qui font des péchés, eh ben, si tu es avec eux, tu fais des péchés, après tu sais que qu'est-ce que tu fais, c'est haram, donc tu te repens, et puis ça y est, tu reviens dans le chemin. Tandis qu'avec ces gens-là, il n'y a plus de repentance. En général, les gens qui rentrent dans les bid'a, c'est très difficile pour eux de créer cette bid'a. Hein? Donc, ça, c'est un point qui est très, très important à comprendre, qu'il ne faut pas mettre la bid'a et le péché au même niveau pour penser que les deux sont équivalents. Et c'est pour ça que lorsque les musulmans nous ont averti contre un musulman qui fait des bid'a, c'est une chose obligatoire. Et c'est une obligation de faire comprendre aussi que le danger qui vient de cette personne qui appelle à une bid'a est beaucoup plus grand qu'une personne qui fait un péché en particulier. Et que c'est très grave de laisser quelqu'un qui fait une bid'a sans mentionner son erreur. Et comme on va voir plus tard, au sujet d'une personne qui fait des bid'a, qui appelle les gens à la suivre, il n'y a pas de riba. C'est-à-dire, le fait de mentionner, d'avertir les musulmans contre lui, et de les avertir contre lui pour pas que les gens soient trompés par son erreur, par sa bid'a et tout, ça rentre pas dans le fait de parler dans le dos d'une personne. Ça rentre pas dans le fait de parler dans le dos d'une personne, même que c'est obligatoire de faire ça. Ça rentre dans une obligation dans le but de préserver l'islam et la charia, et dans le but de défendre l'islam contre toutes sortes d'innovations. Ça avait une question là. Haroun Yahya. Il y a une chose que tu dois savoir au sujet de multivision, c'est que le propriétaire de multivision, il est un ikhwan. Et dans son magasin, il n'y a pas seulement Haroun Yahya comme livre de bid'a, il y a même des livres de shirk clairs, comme il vend la qasida de Al-Burda. Celui-ci, là-dedans, il dit, يا أحسن الخلق ما لي ألوذ به سواك عند عند ال j'ai oublié la fin, en tout cas en voulant dire ô toi la plus aimée, la meilleure des créatures, je n'ai personne à qui me réfugier autre que toi lorsqu'il y a une grande épreuve, donc c'est en parlant du prophète en fait. Donc dans cette qasida, il y a le fait de demander ou de chercher le refuge en le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a un danger ou un problème, et ça c'est shirk, on a déjà parlé de ça. Il y a aussi une autre, vers dans lequel il dit wa inna min darratika ad-dunya wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa inna min 'ulumika 'ilm al-lawh wal qalam. C'est-à-dire il attribue que la connaissance des tablettes préservées auprès d'Allah, au-delà du trône, auprès du trône, et aussi que la connaissance de la plume, un qalam qui a tout écrit, qu'est-ce qui allait arriver jusqu'à la fin des temps, que ça fait partie d'une partie de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est comme s'ils attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam une connaissance du ghaïb, une connaissance de toutes choses, comme la connaissance d'Allah. Donc, ou qu'ils connaissent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connaissance de qu'est-ce qu'il y a dans Al-Mawf al-Mahfoud et qu'est-ce qui est écrit par Al-Qalam. Et ça, c'est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam une attribut que seul Allah possède. Et ça, c'est shirk lillah aussi. Donc, c'est une forme de roulou, une forme d'extrémisme au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, et moi je leur ai dit quand je suis allé une fois à une conférence à M. Umma, et ils avaient fait comme un kiosque de leur livre, hein, et là je vois, ils ont tous les livres de Bid'a, tous les Tariq Ramadan, l'autre là, Al-Qardawi, et Haoun Yahya, et ce livre des Soufis, Al-Burda. Ouais. Ça, c'est un livre qui a été écrit par les Mourides du Sénégal. C'est un livre avec les noms d'Allah dedans. Puis ils disent, par exemple, si tu veux avoir un enfant, tu récites après la prière pendant 40 vendredis, par exemple, après la prière de Fajr, on va dire 50 fois ce nom-là. Ce nom d'Allah, puis ça y est, ça va être exaucé, des choses comme ça. Mais il n'y a aucune preuve de ça dans le Coran, ni dans la Sunna, ou des choses pareilles. Donc ça, c'est clair, c'est des débats. Hein? Et donc c'est pour ça que ces livres-là, quand on les voit, bon, une fois, j'appelle les gens, il faut dire aux gens de s'écarter de ça. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas, premièrement, ils n'ont pas compris la différence entre Sunna et Bid'a. Ils n'ont pas compris une compréhension de l'islam selon la compréhension des salaf. Donc, même si tu leur dis ça, ils ne prennent pas conscience. Et donc, tu dois leur rappeler que, écoutez, vendre les livres islamiques, c'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne achète ce livre-là chez eux, et ils s'en vont le lire et puis tombent dans l'égarement à cause de ça, ils auront la responsabilité au jugement dernier pour ça. Donc, c'est pour ça que vendre les livres, c'est très, très grande responsabilité. Et donc, ils devaient plutôt essayer de vendre les livres écrits par, ou traduits par les ulama, ou écrits par les ulama, puis traduits par les musulmans qui sont sur la voie des salafs. Et souvent, ils éloignent les gens de la lecture des livres, les ulama salafis. Ouais. Mais puis aussi, ils ont pas juste les livres, ils ont même les CD là, autour là. Et dans ce CD, il y en a un qui même qui essaie de nier la réalité du monde, là, qui te dit que ce que tu vois dans la réalité, dans tes yeux, c'est une vision, c'est pas la réalité, ça existe pas, c'est tout dans ta tête, donc le monde actuel là, ça n'existe pas, et tout. Ça c'est grave, mais les choses ne sont pas réelles. Non, ok. Pardon? Le livre traduit les gens. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de traducteurs. Les traducteurs là-bas, souvent, sont des traducteurs, mais ils connaissent. C'est comme leur travail, c'est sont des traducteurs. Ils sont plus diplômés peut-être dans la traduction. Sauf qu'ils ne sont pas spécialisés dans l'islam. Donc, ils traduisent les choses mot à mot parfois. Et donc, quand tu lis leur livre, tu lis leur traduction, tu vois la traduction d'un terme dans le livre, et là, tu regardes dans le mot arabe à la base, et tu vois que ça n'a aucun rapport entre les deux. Là. Non. Ouais. C'est exactement. Je traduis mot pour mot un mot, là. Et il y a des mots. Il y a des termes en arabe ou dans l'islam qui sont des terminologies spécifiques au domaine de la religion musulmane. Donc, le fait de trouver un mot synonyme qui est exactement, qui a la même connotation en français, là, qui va traduire exactement la même idée qu'en arabe, ben, comme tawhid par exemple. Le traduire dans monothéisme, c'est sûr que ça donne une idée sur ce que ça signifie, mais. C'est pas suffisant, puisque on sait que dans l'islam, le tawhid, c'est tout à fait différent que le monothéisme chez les chrétiens et chez les juifs. Hein? Parce que pour eux, ils disent qu'ils sont des monothéistes, alors qu'ils sont des mouchriquins. Tu en vois? Exactement. Donc, ils disent ça, les trois hommes monothéistes, alors que ce ne sont pas des monothéistes. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu, et Dieu incarné, et qu'il y a trois dieux qui forment un, et les autres, les juifs, et qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est un mystère. Hein. Donc, pour eux, avec le fait de dire que c'est un mystère, c'est, ça y est, c'est une preuve. Et ça, c'est la réponse qu'ils ont à toutes les objections qu'on peut dire à ça. Là. Ils vont te dire, non, c'est un mystère, tu ne peux pas comprendre. Tu vas juste comprendre lorsque tu vas être mort. Mais lorsque tu vas être mort, il va être trop tard. Donc c'est fini. Et moi, je leur avais dit, une fois, je leur avais dit, mais ce n'est pas le fait de déclarer. Le fait que tu déclares qu'une chose est un mystère, ça ne veut pas dire que cette chose-là est vraie. Hein? Parce que moi, je peux inventer des mystères. Bon, hein? Je peux inventer des choses qui disent que c'est des mystères. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, il faut voir la référence de ça, d'où ça vient. Pour dire comme un autre argument, le fait d'avoir que certains ulama ont divisé la bid'a en cinq catégories, selon les ahkam, c'est-à-dire de dire que, par exemple, il y a des bid'a qui sont comme wajib, mubah, makruh, haram, ou de ces catégories-là, comme on dit par exemple, wajib, mandoub, mubah, makruh et haram. Donc le chef, il explique aussi que ça, là, c'est aussi, il faut le prendre au sens linguistique. Il faut prendre cette division-là des bid'a en cinq catégories comme étant au sens linguistique, dans la langue, et pour les choses qui ont rapport à la dunya, et non pour les choses de la vie. Et donc, les exemples qu'ils donnent, parce que dans certains livres, ces gens-là, ils ont amené des exemples de chacune de ces catégories-là. Comme par exemple, pour donner des exemples de bid'a qui sont wajib, ils ont donné des exemples, et les exemples de choses qu'ils donnent, ça ne rentre même pas dans la signification du mot bid'a. Ou bien, quand ils donnent un exemple d'une bid'a qui est mandou ou sunna, alors là, ils se sortent l'exemple, par exemple, d'avoir écrit des livres sur la langue arabe, ou d'avoir écrit des livres sur le fiqh. Ils disent, autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de usul al-fiqh. Donc, il n'y avait pas de livre écrit là-dessus. Donc, c'est une bid'a. Mais, eux l'a m'ont expliqué, ils ont dit non. Ça, c'est pas une bid'a. Puisque ça existait autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que ce n'était pas écrit dans des livres. Les sahaba suivaient des règles, ils avaient des fondements. Donc, ils extrayaient des verdicts, des textes, du Coran et de la Sunna, ils suivaient certaines règles, ils les comprenaient, ces règles. Ils savaient qu'il y avait des conditions et des choses à respecter. Et même si elles n'étaient pas écrites dans des livres, mais ils savaient que ces choses existaient. Et comme la langue arabe, les Arabes parlaient l'arabe, vous n'avez pas de livre de grammaire arabe. Hein, les Sahaba n'avaient pas de livre de grammaire arabe. Mais c'est par la suite, lorsque l'islam s'est répandu et que les musulmans ont commencé à côtoyer des non-arabes, là, ils ont vu l'importance de d'écrire des règles pour la langue arabe dans le but que l'arabe soit préservé, pour pas que les gens commencent à déformer le Coran, déformer les hadiths et tout ça. Donc, ils ont mis par écrit les règles de la langue arabe telles qu'ils les connaissaient. Ils n'avaient pas de livre, ils n'avaient pas besoin auparavant de livre de grammaire arabe. Hein. Et donc, ce n'est pas des choses nouvelles qui avaient été innovées, mais c'est des choses qui étaient déjà là, qui existaient, mais sauf qu'on les a mis par écrit. Hein. C'est comme par exemple les livres sur le tawhid, les livres sur la réfutation des gens bid'ah, c'est juste qui existait, que les sahaba avaient compris, que les sahaba connaissaient. Mais c'est juste que, étant donné que la situation des gens bid'ah n'était pas apparue encore pour essayer de contester ou mettre en question ces principes-là, donc il n'y avait aucun besoin d'écrire ces œuvres, ces ouvrages. Mais lorsque ces gens-là sont apparus, et là c'était nécessaire de faire ça, et c'est pour ça que des savants les ont fait. Aussi, par exemple, il se base sur une citation de l'imam Shafi'i, dans laquelle l'imam Shafi'i aurait dit ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة ضلالة، وما أحدث من الخير لا خلاف لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة. dans une autre citation aussi pareille, il a dit البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. Il était basé sur la citation de Omar ibn al-Khattab, Ni'matul Bid'a, Hadizu. Donc, eux, ils disent que la citation de Al-Shafi'i, qui dit ce qui a été innové et qui n'est pas en contradiction ni avec le Coran, ni avec la Sunna, ni avec une Athar, ni avec une Ijma, un consensus, donc c'est une Bid'a qui est égarement. Et ce qui a été innové, et qui est bon, et qui n'est pas en contradiction avec aucune des choses qu'on a mentionnées, alors cette bid'a, elle n'est pas blâmable et pas mauvaise. Et dans une autre citation aussi, il a dit que la bid'a, il y en a deux, une bid'a qui est bonne et louable, et une bid'a qui est blâmable. Et celle qui est en accord avec la sunna, alors c'est celle qui est louable, et celle qui est contraire à la sunna, elle est blâmable, et c'est basé sur la parole de Omar ibn Khattab au sujet du Ramadan, donc Ni'matul Bid'a Hadihi. C'est basé sur cette citation de Ibn Omar. Et premièrement, une chose qu'on doit comprendre, c'est que cette citation-là, elle est ramenée dans Hilyatul Awliya selon Harmalat ibn Yahya, et dedans il y a Abdullah ibn Muhammad, al-Adshi. Et ils ont mentionné dans Tariq al-Baghdadi dans aussi al-Samrani dans son livre Al-Ansar, ils ont rapporté à son sujet, mais ils n'ont pas mentionné à son sujet aucun jarh et aucun ta'dil, c'est-à-dire ils n'ont pas fait aucune annotation, connotation négative ou positive à son sujet. Et l'autre cheikh, comment il s'appelle, Ali Hassan, un des élèves de Cheikh Al-Albani, il a mentionné que c'était une personne qui est inconnue. Une personne inconnue qui était dans cette chaîne de narrateurs. Donc, dans ce cas-là, déjà là, il y a un certain doute au sujet de la chaîne de rapporteurs dans la citation de l'imam Shafi'i. Donc, on ne peut pas être certain de l'authenticité. Deuxièmement, c'est que comme on a dit tout à l'heure au sujet de la parole du Sahabi, Ibn Omar, que ce n'était pas une hujja par laquelle on pouvait opposer un hadith, eh bien la parole d'un imam qui est venu après Omar ibn Khattab, c'est encore moins une hujja. Donc on ne peut pas utiliser ça comme étant une chose qui peut limiter la compréhension d'un hadith. Et donc, et comme on a déjà expliqué, on a parlé que, yani, on n'a pas le droit de suivre aveuglément les paroles d'un imam, peu importe qui il est, si qu'est-ce qu'il a dit est en contradiction avec le Coran et la Sunna. L'imam al-Shafi'i a dit lui-même, il a sah al-hadith, fa huwa madhhabi. Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhhab. Et l'imam al-Shafi'i, ça a été rapporté à son sujet, d'une façon authentique, que l'imam al-Shafi'i lui-même a dit, الاستحسان إنما الاستحسان تلذذ تصنيف يعني الرسالة qui était le premier livre qui a été écrit dans le domaine de Usul al-Fiqh, c'est le premier livre qui a été écrit dans le domaine de Usul al-Fiqh, et lui il a dit dans son livre là il a un chapitre qui s'appelle Ibtal al-Istihsan, c'est-à-dire de montrer la fausseté de celui qui essaie de rendre une bid'a bonne, ou de rendre quelque chose bon, sans preuve. Donc, il y a de dire qu'une bid'a est bonne. Donc, il a, dans son livre aussi, Al-Um, il a ce chapitre-là, et dans Al-Risala, il a parlé de ça aussi. Et dans son livre, Al-Risala, il a lui-même exprimé l'opinion que la parole d'un sahabi, s'il a eu une position par laquelle il s'est, distinguer des autres sahaba, il n'est pas une preuve en lui-même. Et il n'est pas obligatoire de le suivre. Donc, qu'est-ce qu'on dit si c'est pas la parole d'un sahabi, comme l'imam al-Shafi'i lui-même? Et ça c'est contraire même au fondement de l'imam al-Shafi'i lui-même. Et il a dit, l'imam al-Shafi'i, imam al-Istihsan, salazub. C'est lui qui a dit aussi, Man istahsana faqad shara. Celui qui a dit qu'une chose est bonne, c'est comme s'il a légiféré, comme s'il a décidé d'une loi d'Allah. Et donc, c'est contre, ça vient en contradiction avec cette citation-là qui a été rapportée. Et donc, on doit le prendre aussi comme il dit ici. Oui, c'est ça. Donc, la définition qu'il a donnée, quand il parle, il dit par exemple, ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة ضلالة. Donc, ça en réalité, la première partie de ce qu'il dit, c'est ça la définition de la bid'a dans l'islam. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas prouvé ni par le Coran, ni par la Sunna, ni par une citation d'un sahabi, ni par une ijma. Donc ça c'est une bid'a dans l'islam. Mais l'autre partie de ce qu'il dit, comme ce qui est innové de bien et qui ne fait pas partie d'aucune de ces, qui n'est pas prouvé par aucune de ces preuves-là, ou de ces références-là, alors c'est une chose qui n'est pas blâmable, ça on doit le prendre au sens de la bid'a dans le sens linguistique. D'accord? C'est pas une bid'a dans le sens de la religion. C'est comme ça que le cheikh explique, parce que sinon, c'est contraire avec même les principes de l'imam lui-même. Non. Ok. C'est que, oui. Il a donné deux définitions. L'imam al-Shafi'i a dit que la bid'a est de deux catégories. Donc il y en aurait une qui serait louable, et c'est celle qui a une preuve. Il y en a une qui serait blâmable, c'est celle qui n'a aucune référence, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans l'Athar, ni dans l'Ijma'. Athar c'est une citation d'un Sahabi, ou d'une parole d'un Sahabi. Donc, elle n'aurait aucune référence. Donc celle-là elle est blâmable, mais si elle a une référence dans ces choses-là et qu'elle est bonne, alors dans ce cas-là, c'est louable. Là, on dit, dans ce cas-là, yani, si elle a une référence dans le Coran de la Sunna, alors c'est pas une bid'a en partant, c'est une chose qui fait partie de la charia. Et donc, de l'appeler bid'a, c'est en fait au sens linguistique qu'on doit le prendre, et non au sens de la charia, au sens de la religion. D'accord? l'ijma, l'ijma, c'est premièrement pour les sahaba. Mais, par la suite, il y en a une différence en ce qui concerne, est-ce que un consensus des ulama à une autre époque que celle des sahaba peut être accepté aussi, et certains ulama disent oui, et certains ulama disent non. Certains disent que l'ijma après les sahaba, ça peut être acceptable, et d'autres disent non. Hein? Donc, ça c'est un point de différence un peu. Et il y en a parmi des ulama à une certaine époque qui ont dit que la porte de l'ijtihad était fermée. La porte de l'ijtihad était fermée. Donc, ils ont dit que c'est interdit par la suite pour quelqu'un de faire un ijtihad, c'est obligatoire de suivre le madhhab aveuglément. On ne peut pas retourner au texte directement pour essayer d'extraire un nouveau hukum sur quelque chose. Et là, les ulama ont dit, premièrement, pour dire ça, il faudrait que, premièrement, de dire que la porte de l'ijtihad est fermée, ça en lui-même c'est déjà un ijtihad. Donc comment vous pouvez fermer quelque chose, faire un ijtihad sur un sujet alors que vous dites que l'ijtihad n'est pas fermé? L'ijtihad, c'est quand tu fais un effort, le mot ça vient de faire un effort pour, dans le but de chercher un verdict en te basant sur les textes de la charia pour essayer de dire que est-ce que quelque chose est halal ou haram. Tu vois? Donc, c'est général. L'ijtihad, ouais, c'est comme, ouais, ça fait l'autre. Ouais, aujourd'hui. Mais, il y a des gens là, parmi les modernistes là, qui essaient de dire que tout le monde fait l'ijtihad. Parce que eux, ils pensent que le fait d'avoir ouvert la porte de l'ijtihad, par exemple, ça veut dire que maintenant tout le monde peut faire l'ijtihad. Plus besoin de demander à un alim. Tu prends le Coran et la Sunna par toi-même et tu fais des jugements et tu, ouais, self-service comme tu dis. Donc, ça c'est dangereux, c'est grave. Parce que pour faire l'ijtihad, il faut avoir atteint un certain degré de connaissance dans différentes sciences islamiques. Et ça c'est, n'importe qui a le droit de le faire. Il y a des gens aujourd'hui, ils lisent même pas l'arabe, puis ils prennent le Coran en français, et puis il te donne l'explication du Coran et de la Sunna, il te dit oui c'est haram, on se base sur un verset en français, et il te dit voilà le verset qui dit ça et ça. Alors que c'est le texte en arabe qu'on doit sur lequel on doit se référer. Et puis il ne faut pas juste prendre le verset, il y a d'autres hadiths qui parlent de quelque chose, et il y a des explications, il y a beaucoup de choses, donc eux ils prennent une chose là comme ça, sans compréhension, puis ouais, et puis ça y est, voilà, ils sortent avec une nouvelle débarque. Non. Une autre preuve aussi, qui vient interdire les bid'ah, c'est le hadith de Aïcha, radiallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fa huwa rad » Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Manahdatha, celui qui a inventé dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, alors elle sera rejetée. Manahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fa huwa rad. Et subhanallah, il y en a certains des gens de bid'a qui ont essayé d'utiliser ce hadith et de le déformer pour essayer de dire qu'il y a des bonnes bid'a. Comment ils ont essayé de faire ça? Ils ont dit, celui qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, alors elle est rejetée. Ils ont dit, ben, alors il y en a peut-être des choses qui sont inventées dans la religion mais qui en fait partie. C'est incroyable comment ils ont essayé d'amener des affaires là, subhanallah. Et puis, les ulama ils ont répondu en disant, oui, mais il y a une autre version de ce hadith aussi qui est rapportée par Al-Bukhari qui dit, Al-Bukhari al-Muslim qui dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, alors elle sera rejetée. Donc, dans cette version-là, il n'y a pas l'exception là de dire ma laysa minhu. Donc, quand on leur a répondu par ce hadith-là, alors là, c'est clair que toute chose que tu fais qui ne fait pas partie de l'islam, elle sera rejetée. Même si il y en a qui pensent que c'est bon. Il y a beaucoup d'autres citations maintenant. On va voir que, par exemple, l'imam, le sahabi, Ibn Mas'ud, il disait, radiallahu anhu, إياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. فكتب الدارمي ابن بطة. لكن زي ابن مسعود prenez garde aux bid'ah et prenez garde de chercher trop les détails et de trop chercher à compliquer les choses. Et retourner aux choses anciennes, à la chose ancienne. C'est-à-dire, retourner à la source. عن ابن المسيب, انه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع. فنهاه فقال يا ابا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا, ولكن يعذبك على خلاف السنة. Ça c'est Ibn al-Musayyib qui a dit qu'il a vu un homme après la prière de Fajr qui faisait deux rak'at ou qui faisait plus que deux rak'at et qui faisait dans ses prières beaucoup de recours, c'est-à-dire dans sa prière il faisait plus que le nombre de recours qu'on fait habituellement et il faisait beaucoup de prières après le lever du soleil. Alors le sahabi Ibn al-Musayyib il l'a interdit. Il a interdit de faire ça. Et la personne a dit, la personne qui faisait ça, elle a dit, « Ya Aba Muhammad, ou Aba Muhammad, Allah va me punir pour une prière. » C'est-à-dire, parce que je fais une prière, Dieu va me punir. Et là, le sahabi a répondu, ou Ibn al-Musayyib, je ne sais pas s'il était un sahabi ou non, peut-être un des tabi'in ou un des ulama, il a dit, « Non, il ne va pas te punir pour la prière, mais il va te punir parce que tu as contredit la sunna. Hein? Donc, ça c'est un argument souvent des gens de bid'a, quand ils font des bid'a, ils disent, « Akhi, est-ce que dans l'islam le dua c'est haram? Est-ce que dans l'islam le prier c'est haram? Pourquoi tu me dis que qu'est-ce que je fais c'est bid'a? » Et le chef a dit, « Ouais, mais c'est bien, tu fais la prière, mashallah c'est bien, sauf que tu la fais pas selon la sunna. » Et donc, au contraire, la sunna c'est pas accepté. Hein? C'est comme la personne qui comme lui, il faisait plein de recours dans sa prière, il se levait, il ne faisait pas l'exemple du prophète François. Donc quelqu'un va dire, mais mashallah, au moins il prie, il dit pas quelque chose qu'il fait. Là. De nos jours, les gens ils font même pas la prière. Hein? Et là, c'est lui dit, ouais, c'est bien beau de vouloir faire la prière, mais il faut que son action soit en accord avec la sunna, c'est pas suffisant. Ouais, il mentionnait à chaque prière. Ouais, ça c'est une histoire qui est arrivée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens s'étaient réunis dans la mosquée avec en cercle. Et dans chaque cercle au centre, il y avait une personne. Et la personne, elle prenait des pierres. Et puis elle disait par exemple, Allahu Akbar. Et là les gens faisaient Allahu Akbar. Il comptait le nombre de fois avec le nombre de pierres. Alors, le sahabi, il y a un des sahabis qui a vu cette chose-là. Il est allé chercher, je pense que Ibn Mas'ud, il est allé chercher Ibn Mas'ud, c'est Abu Musa al-Ash'ari. Il est allé voir Ibn Mas'ud, je ne me trompe pas, ou bien un autre sahabi, comme ça, pour lui demander son opinion sur qu'est-ce que c'est dans la chose. Alors, Ibn Mas'ud, il a dit, d'accord, je vais aller voir. Il est rentré dans la mosquée. Il les a vus en train de faire ça, mais il s'était caché quand il est rentré. Il avait mis comme quelque chose sur sa tête. Ouais. Donc quand il est rentré, il les a vus faire ça, et là il a enlevé son, son vêtement qui cachait son visage, et il a dit, subhanallah, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient tout juste de partir de ce monde. Et puis déjà, vous commencez déjà à faire... au lieu de compter. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait rien de mal. On fait seulement compter les tasbih, et compter les tahmid, et tout comme ça. Donc on fait rien de mal, on fait du bien. Et là, le sahabi a dit, vous devriez à la place compter vos péchés, plutôt que de compter ça. Et là, après, en vous en disant, qu'est-ce que vous faites là? C'est contraire à la sunna. Là, après ça, il a dit, soit que vous êtes en train de faire quelque chose qui est plus guidant, qui est plus grande guidance que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, ou que vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Un des deux. C'est que vous êtes plus droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, et ça c'est impossible, ou que vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Et c'est ça la réalité. Et donc le sahaba, la personne qui faisait ça a dit, on a uniquement voulu faire ça pour le bien. On a uniquement voulu faire le bien. C'était ça notre intention. Le sahabi a répondu, il a dit, et combien de gens veulent le bien et n'arrivent jamais à l'atteindre. Hein? Donc, c'était pour nous montrer que ce n'est pas uniquement l'intention qui compte. Hein? C'est vrai que le prophète a dit, innama al-a'malu binniyat, les actions sont jugées selon les intentions. Sauf que ce n'est pas l'intention à elle seule qui détermine si l'action est bonne ou non. Il faut que l'action soit, en plus d'avoir une bonne intention, en accord avec la sunna. Hein? Donc, c'est pour ça que le sahabi lui a fait comprendre cette chose-là. Ah, mais comme des imams à Montréal qui font le dua après la prière, après chaque prière, ils font le dua, puis tout le monde dit « Amin » avec lui, là, en même temps. Ça, si tu vas leur dire, il y a un chef, c'est le bid'a, qu'est-ce que tu fais? Il dit, comment? Je fais un dua. Puis le dua, c'est haram dans l'islam. Vous interdisez aux musulmans de faire le dua. C'est comme celui qui dit, fawailu lil musallin, et il s'arrête là, il ne continue pas le verset. Malheur à ceux qui prient. Il ne continue pas le reste de l'aïa. Fawailu lil musallin. Malheur aux gens qui prient. الذين هم عن صلاتهم ساهون ceux qui sont négligents dans leur prière. والذين هم يراءون qui prient pour se faire voir par ostentation. ويمنعون الماعون qui empêche de changer ou de s'emprunter les choses utiles de la vie. Hein? Donc, ça c'est comme ces gens-là qui font tout ça. Ils s'arrêtent là, puis ils ne continuent pas plus loin pour essayer de comprendre réellement. Qu'est-ce qu'ils font? C'est contraire à la sunna. C'est ça qui est haram. Et c'est pas le fait qu'ils font une œuvre qui vient dans l'islam. Une autre citation de l'imam al-Barbahari, et ça va être la dernière, inshallah. L'imam al-Hassan ibn Ali al-Barbahari, il a dit dans son livre Usul Sunnah, Sharh Usul Sunnah, واحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها وصارت دينا يدان به فخالف الصراط فخرج من الإسلام فانظر رحمك الله من كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تجعلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. Donc ça c'est une nasiha de l'imam, c'est une nasiha en or, et que chacun d'entre nous doit prendre et comprendre et appliquer, inshallah. Il a dit, prends garde aux petites bid'ah et aux petites innovations, parce que les petites innovations, c'est elles qui deviennent par la suite des grandes bid'ah. Les bid'ah commencent toujours par des petites bid'ah, puis elles continuent, elles grossissent et deviennent grandes. Donc, c'est ça que le chef dit. Il dit, toutes les bid'ahs qui sont commencées dans cette umma, au tout début, elles étaient toutes petites et elles étaient semblables à la vérité. On croyait qu'elles étaient proches, elle avait l'apparence de quelque chose de la vérité. Et beaucoup de gens ont été trompés par ça et ils sont rentrés dedans. Puis, une fois rentrés, ils n'étaient plus capables d'en sortir. Et ce sont devenus des religions par lesquelles ils adoraient Allah par la suite. Et qui sont en contradiction avec le droit chemin. Alors ils sont sortis de l'islam. Alors regarde, que Allah soit miséricordieux envers toi. Toute personne de qui tu écoutes ta parole, des gens de ton époque, et en particulier des gens de ton époque, et n'accepte rien de lui. Et n'entre dans rien de ce qu'il te dit, jusqu'à ce que tu aies demandé et observé. Est-ce que un d'entre les Sahaba du Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit ce qu'il dit? Ou est-ce que un d'entre les ulama ont dit cette parole? Et si tu trouves des Sahaba ou des ulama à part une citation, alors prends-la et accroche-toi-y, ou accroche-toi à cette parole, et ne la dépasse pas en rien. Et sinon, tu risques de tomber dans le feu. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, on continuera la semaine prochaine. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.